puisque l'on a pour prison une terre d'ombre pour seul horizon est un désert. Un désert. Et puisqu'il faut souffrir debout pour ne survivre ici qu'à genoux dans la poussière, puisque l'amour est le rêve trop lourd pour être libre un jour. Mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine. Que notre ciel reste sans lumière et sans regard. Où qu'on regarde, même si croire n'est qu'un recours, devant le peu d'espoir qui nous entoure, qui nous égare. L'amour est inaccessible un jour et le rêve trop lourd pour être libre un jour. Mais que Dieu me se mettre à genoux qui vouloir vivre debout. Ma peine.